Septième lettre. Observation, le roi Louis, dessous les rosiers blancs. Avant de parler des grandes résolutions d'Angélique de Longueval, je demande la permission de placer encore un mot. Ensuite, je n'interromprai plus que rarement le récit. Puisqu'il nous est défendu de faire du roman historique, nous sommes forcés de servir la sauce sur un autre plat que le poisson, c'est-à-dire les descriptions locales, le sentiment de l'époque, l'analyse des caractères, en dehors du récit matériellement vrai. Je me rends compte difficilement du voyage qu'a fait la Corbinière en Allemagne. La demoiselle de Longueval n'en dit qu'un mot. À cette époque, on appelait l'Allemagne les pays situés dans la Haute-Bourgogne, où nous avons vu que M. de Longueville avait été malade de la dysenterie. Probablement la Corbinière était allée quelque temps près de lui. Quant au caractère des pères de la province que je parcours, il a été éternellement le même, si j'en crois les légendes que j'ai entendues chanter dans ma jeunesse. C'est un mélange de rudesse et de bonhomie, tout patriarcal. Voici une des chansons que j'ai pu recueillir dans ce vieux pays, de l'Île-de-France, qui, du Parisis, s'étend jusqu'aux confins de la Picardie. Le roi Loïs est sur son pont, tenant sa fille en son giron. Elle lui demande un cavalier, qui n'a pas vaillant sidonier. Oh oui, mon père, je l'aurai, malgré ma mère qui m'a porté. Aussi malgré tous mes parents, et vous, mon père, que j'aime tant. Ma fille, il faut changer d'amour, ou vous entrerez dans la tour. J'aime mieux rester dans la tour, mon père, que de changer d'amour. Vite, où sont mes estafiers, aussi bien que mes gens de pied. Qu'on mène ma fille à la tour, elle n'y verra jamais le jour. Elle y resta 7 ans passés, sans que personne pût la trouver. Au bout de la 7e année, son père vint la visiter. « Bonjour ma fille, comme vous en va ?»« Ma foi mon père, ça va bien mal. J'ai les pieds pourris dans la terre et les côtés mangés des vers. Ma fille, il faut changer d'amour. Ou vous resterez dans la tour ?»« J'aime mieux rester dans la tour, mon père, que de changer d'amour. » Nous venons de voir le père féroce. Voici maintenant le père indulgent. Il est malheureux de ne pouvoir vous faire entendre les airs, qui sont aussi poétiques que ces vers mêlés d'assonances dans le goût espagnol, sont musicalement rythmés. Dessous le rosier blanc, la belle se promène, blanche comme la neige, belle comme le jour, au jardin de son père, 3 cavaliers l'ont pris. On a gâté depuis cette légende en y refaisant des vers, et en prétendant qu'elle était du Bourdonnais. On l'a même dédiée, avec de jolies illustrations, à l'ex-reine des Français. Je ne puis vous la donner entière. Voici encore les détails dont je me souviens. 3 capitaines passent à cheval près du rosier blanc. Le plus jeune des 3 l'a pris par sa main blanche. « Montez, montez, la belle, dessus mon cheval gris. » On voit encore, par ces 4 vers, qu'il est possible de ne pas rimer en poésie. C'est ce que savent les Allemands, qui dans certaines pièces emploient seulement les longues et les brèves à la manière antique. Les 3 cavaliers et la jeune fille, montés en croupe derrière le plus jeune, arrivent à Senlis. Aussitôt arrivée, l'hôtesse la regarde. « Entrez, entrez, la belle, entrez sans plus de bruit. Avec 3 capitaines, vous passerez la nuit. » Quand la belle comprend qu'elle a fait une démarche un peu légère, après avoir présidé au souper, elle fait la morte. Et les 3 cavaliers sont assez naïfs pour se prendre à cette feinte. Ils se disent « Quoi ? Notre mie est morte ?» et se demande où il faut la reporter. « Au jardin de son père, » dit le plus jeune, et c'est sous le rosier blanc qu'ils s'en vont déposer le corps. Le narrateur continue. « Et au bout de 3 jours, la belle ressuscite. Ouvrez, ouvrez, mon père, ouvrez sans plus tarder. 3 jours, j'ai la morte, pour mon bonheur regarder. » Le père est en train de souper avec toute la famille. On accueille avec joie la jeune fille, dont l'absence avait beaucoup inquiété ses parents, depuis 3 jours. Il est probable qu'elle se maria plus tard fort honorablement. Revenons à Angélique de Longueval. Mais pour parler de la résolution que je fis de quitter ma patrie, elle fut en cette sorte. Lorsque celui qui était allé au Maine fut revenu à Verneuil, mon père lui demanda avant le souper « Avez-vous force d'argent ?» À quoi il répondit « J'ai tant. » Mon père, non content, prit un couteau sur la table parce que le couvert était mis, et se jetant sur lui pour le blesser, ma mère et moi y accourûmes. Mais déjà celui qui devait être cause de tant de peine s'était blessé lui-même au doigt, en voulant ôter le couteau à mon père. Et encore qu'il ait reçu ce mauvais traitement, l'amour qu'il avait pour moi l'empêchait de s'en aller, comme était son devoir. 8 jours se passèrent que mon père ne lui disait ni bien ni mal. pendant lequel temps il me sollicitait par lettre de prendre résolution de nous en aller ensemble, à quoi je n'étais encore résolu. Mais les 8 jours étant passés, mon père lui dit dans le jardin, « Je m'étonne de votre effronterie, que vous restiez encore dans ma maison après ce qui s'est passé. Allez-vous-en vitement, et ne venez jamais à pas une de mes maisons, car vous ne serez jamais le bienvenu. » Il s'en vint donc vitement faire seller un cheval qu'il avait, et monta à sa chambre pour y prendre ses hardes. Il m'avait fait signe de monter à la chambre d'Haraucourt, où dans l'antichambre, il y avait une porte fermée, où l'on pouvait néanmoins parler. Je m'y en allai vitement, et il me dit ces paroles. « C'est cette fois qu'il faut prendre résolution, ou bien vous ne me verrez jamais. » Je lui demandai 3 jours pour y penser. Il s'en alla donc à Paris, et revint au bout de 3 jours à Verneuil, pendant lequel temps je fis tout ce que je pus pour me pouvoir résoudre à laisser cette affection. Mais il me fut impossible, encore que toutes les misères que j'ai souffertes se présentèrent devant mes yeux avant de partir. L'amour et le désespoir passèrent sur toutes ces considérations. Me voilà donc résolu. Au bout de 3 jours, la corbinière vint au château et entra par le petit jardin. Angélique de Longueval l'attendait dans le petit jardin et entra par la chambre basse, où il fut ravi de joie en apprenant la résolution de la demoiselle. Le départ fut fixé au premier dimanche de carême, et elle lui dit sur l'observation qu'il fit, qu'il fallait avoir de l'argent et un cheval, qu'elle ferait ce qu'elle pourrait. Angélique chercha dans son esprit le moyen d'avoir de la vaisselle d'argent, car pour de la monnaie, il n'y fallait pas songer, le père ayant tout son argent avec lui à Paris. Le jour venu, elle dit à un palefrenier nommé Brotteau, « Je voudrais bien que tu me prêtasses un cheval pour envoyer à Soissons cette nuit, quérir du taffetas pour me faire un corps de côte, te promettant que le cheval sera ici avant que maman se lève. Et ne t'étonne pas si je te le demande pour la nuit, car c'est afin qu'elle ne te crie. » Palefrenier consentit à la volonté de sa demoiselle. Il s'agissait encore d'avoir la clé de la première porte du château. Elle dit au portier qu'elle voulait faire sortir quelqu'un de nuit pour aller chercher quelque chose à la ville, et qu'il ne fallait pas que madame le sût. Qu'ainsi il ôta du trousseau de clés celle de la première porte, et qu'elle ne s'en apercevrait pas. Le principal était d'avoir l'argenterie. La comtesse, qui ainsi que le dit sa fille, semblait en ce moment inspirée de Dieu, dit au souper à celle qui l'avait en garde, « Huberde, à cette heure que M. d'Arancourt n'est point ici, serrez presque toute la vaisselle d'argent dans ce coffre, et m'apportez la clé. » La demoiselle changea de couleur, et il fallut remettre le jour du départ. Cependant, sa mère étant allée se promener dans la campagne le dimanche suivant, elle eut l'idée de faire venir un maréchal du village pour lever la serrure du coffre, sous prétexte que la clé était perdue. « Mais, dit-elle, ce ne fut pas tout, car mon frère le chevalier, qui était seul resté avec moi, et qui était petit, me dit, lorsqu'il vit que j'avais donné des commissions à tous, et que j'avais fermé moi-même la première porte du château, « Ma sœur, si vous voulez voler papa et maman, pour moi, je ne le veux pas faire. Je m'en vais trouver vitement maman. Va, lui dis-je, petit impudent, car aussi bien le sera-t-elle de ma bouche, et si elle ne me fait raison, je me la ferai bien moi-même. » Mais c'était au plus loin de ma pensée que je disais ces paroles. Cet enfant s'en courait pour aller dire ce que je voulais tenir caché. Mais se retournant toujours pour voir si je ne le regardais pas, il s'imagina que je ne m'en souciais guère, ce qui le fit revenir. Je le faisais exprès, sachant qu'aux enfants, tant plus on leur montre de crainte, et plus ils ont d'ardeur à dire ce qu'on leur prie de taire. La nuit étant venue, et l'heure du coucher approchant, Angélique donna le bonsoir à sa mère avec un grand sentiment de douleur en elle-même, et rentrant chez elle, dit à sa fille de chambre, « Jeanne, couchez-vous, j'ai quelque chose qui me travaille l'esprit, je ne puis me déshabiller encore. » Elle se jeta toute vêtue sur son lit en attendant minuit. La corbinière fut exacte. « Oh Dieu, quelle heure !» écrit Angélique. « Je tressaillis toute lorsque j'entendis qu'il jetait une petite pierre à ma fenêtre, car il était entré dans le petit jardin. » Quand la corbinière fut dans la salle, Angélique lui dit, « Notre affaire va bien mal, car madame a pris la clé de la vaisselle d'argent, ce qu'elle n'avait jamais fait. Mais pourtant j'ai la clé de la dépense, où est le coffre ?» Sur ces paroles, il me dit, « Il faut commencer à t'habiller, et puis nous regarderons comme nous ferons. » Je commençais donc à mettre les chausses et les bottes et éperons lesquels il m'aidait à mettre. Sur cela, le palefrenier vint à la porte de la salle avec le cheval. Moi, tout éperdu, je me mis vitement ma cotte de ratine pour couvrir mes habits d'homme, que j'avais jusqu'à la ceinture, et m'en vint prendre le cheval des mains de Brotteau, et le menait hors de la première porte du château, à un ormeau sous lequel dansaient au fête les villes du village, et m'en retournai à la salle, où je trouvai mon cousin qui m'attendait avec grande impatience. Tel était le nom que je le devais appeler pour le voyage. Lequel me dit, « Allons donc voir si nous pourrons avoir quelque chose, ou sinon nous ne laisserons de nous en aller avec rien. » À ces paroles, je m'en allai dans la cuisine qui était près de la dépense, et ayant découvert le feu pour voir clair, j'aperçus une grande pelle à feu de fer, laquelle je pris, et puis lui dis, « Allons à la dépense. » Et étant proche du coffre, nous mîmes la main au couvercle, lequel ne serrait tout près. Alors je lui dis, « Mets un peu la pelle entre le couvercle et ce coffre. » Alors, haussant tous deux les bras, nous n'y fîmes rien. Mais la seconde fois, les deux ressorts de serrure se rompirent, et soudain, je mis la main dedans. Elle trouva une pile de plats d'argent qu'elle donna à la corbinière, et comme elle voulait en prendre d'autres, il lui dit, « N'en tirez plus dehors, car le sac de moquette est plein. » Elle en voulait prendre davantage, comme bassin, chandelier, aiguière. Mais il dit, « Cela est embarrassant. » Et il l'engagea à s'aller vêtir en homme avec un pourpoint et une casaque, afin qu'ils ne fussent pas reconnus. Ils allèrent droit à Compiègne, où le cheval d'Angélique de Longueval fut vendu 40 écus. Puis ils prirent la poste et arrivèrent le soir à Charenton. La rivière était débordée de sorte qu'il fallut attendre jusqu'au jour. Là, Angélique, dans son costume d'homme, put faire illusion à l'hôtesse, qui dit, comme le postillon lui tirait les bottes, « Messieurs, que vous plaît-il de souper ?»« Tout ce que vous aurez de bon, madame, » fut la réponse. Cependant, Angélique se mit au lit. Silas qu'il lui fut impossible de manger. Elle craignait surtout le comte de Longueval, son père, qui alors se trouvait à Paris. Le jour venu, ils se mirent dans le bateau jusqu'à Essonne, où la demoiselle se trouva tellement lasse qu'elle dit à la corbinière, « Allez-vous toujours devant m'attendre à Lyon avec la vaisselle ?» Ils restèrent 3 jours à Essonne, d'abord pour attendre le coche, puis pour guérir les écorchures que la demoiselle s'était faites aux cuisses en courant à Franc-Étrier. Passé Moulin, un homme qui était dans le coche et qui se disait gentilhomme, commença à dire ces paroles. « N'y a-t-il pas une demoiselle vêtue en homme ?» À quoi la corbinière répondit. « Oui, dame, monsieur, pourquoi avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Ne suis-je pas maître de faire habiller ma femme comme il me plaît ?» Le soir, ils arrivèrent à Lyon, au Chapeau Rouge, où ils vendirent la vaisselle pour 300 écus. Sur quoi la corbinière se fit faire, encore qu'il n'en eût du tout besoin. Un fort bel habit d'écarlate, avec les aiguillettes d'or et d'argent. Ils descendirent sur le Rhône, et s'étant arrêtés le soir à une hôtellerie, la corbinière voulut essayer ses pistolets. Il le fit si maladroitement qu'il adressa une balle dans le pied droit d'Angélique de Longueval, et il dit seulement à ceux qui le blâmaient de son imprudence, « C'est un malheur qui m'est arrivé. Je puis dire à moi-même, puisque c'est ma femme. » Angélique resta 3 jours au lit. Puis ils se remirent dans la barque du Rhône et purent atteindre Avignon, où Angélique se fit traiter pour sa blessure. Et ayant pris une nouvelle barque, lorsqu'elle se sentit mieux, ils arrivèrent enfin à Toulon le jour de Pâques. Une tempête les accueillit en sortant du port pour aller à Gênes. Ils s'arrêtèrent dans un havre, au château dit de Saint-Soupir, dont la dame, les voyant sauvés, fit chanter le Salve Regina. Puis elle leur fit faire collation à la mode du pays avec olives et capres, et commanda que l'on donnât à leur valet des artichauts. « Voyez, dit Angélique, ce que c'est de l'amour. » Encore que nous étions à un lieu qui n'était habité par personne, il fallut y jeûner les 3 jours que nous attendîmes le bon vent. Néanmoins, les heures me semblaient des minutes, encore que j'étais bien affamé. Car à Villefranche, peur de la peste, ils ne voulurent nous laisser prendre des vivres. Ainsi, tout bien affamé, nous fîmes voile. Mais auparavant, de crainte de faire naufrage, je me voulus confesser à un bon père cordelier, qui était en notre compagnie, et lequel venait à Gênes aussi. Car mon mari, elle l'appelle toujours ainsi de ce moment, voyant entrer dans notre chambre un gentilhomme génois, lequel écorchait un peu le français, lui demanda, « Monsieur, vous plaît-il quelque chose ?»« Monsieur, dit ce génois, je voudrais bien parler à madame. » Mon mari, tout d'un temps, mettant l'épée à la main, lui dit, « La connaissez-vous ? Sortez d'ici, car autrement je vous tuerai. » Incontinent, monsieur Audriffet nous vint voir, lequel lui conseilla de nous en aller le plus promptement qu'il se pourrait, parce que ce génois, très assurément, lui ferait faire du déplaisir. Nous arrivâmes à Civita Vecchia, puis à Rome, où nous descendîmes à la meilleure hôtellerie, attendant de trouver la commodité de se mettre en chambre garnie, laquelle on nous fit trouver en la rue des Bourguignons, chez un Piémontais, duquel la femme était romaine. Et un jour, étant à sa fenêtre, le neveu de sa sainteté, passant avec 19 estafiers, en envoya un qui me dit ces paroles en italien. « Mademoiselle, son éminence m'a commandé de venir savoir si vous aurez agréable qu'il vous vienne voir. » Toute tremblante, je lui réponds. « Si mon mari était ici, j'accepterais cet honneur, mais n'y étant pas, je supplie très humblement votre maître de m'excuser. » Il avait fait arrêter son carrosse à 3 maisons de la nôtre, attendant la réponse, laquelle soudain, qu'il l'eût entendue, il fit marcher son carrosse, et depuis je n'entendis plus parler de lui. La corbinière lui raconta peu après qu'il avait rencontré un fauconnier de son père qui s'appelait la Roirie. Elle eut un grand désir de le voir, et en la voyant, il resta sans parler. Puis, s'étant rassuré, il lui dit que madame l'ambassadrice avait entendu parler d'elle et désirait la voir. Angélique de Longueval fut bien reçue par l'ambassadrice. Toutefois, elle craignit, d'après certains détails, que le fauconnier n'eût dit quelque chose et qu'on arrêtât la corbinière et elle. Ils furent fâchés d'être restés 29 jours à Rome et d'avoir fait toutes les diligences pour s'épouser sans pouvoir y parvenir. Ainsi, dit Angélique, je partis sans voir le pape. C'est à Ancône qu'ils s'embarquèrent pour aller à Venise. Une tempête les accueillit dans l'Adriatique, puis ils arrivèrent et allèrent loger sur le Grand Canal. « Cette ville, quoique admirable, dit Angélique de Longueval, ne pouvait me plaire à cause de la mer, et il m'était impossible d'y boire et d'y manger que pour m'empêcher de mourir. » Cependant l'argent se dépensait, et Angélique dit à la corbinière, « Mais que ferons-nous? Il y a tantôt plus d'argent. » Il répondit, « Lorsque nous serons en terre ferme, Dieu y pourvoira. Habillez-vous, et nous irons à la messe de Saint-Marc. » Arrivés à Saint-Marc, les époux s'assirent au banc des sénateurs. Et là, quoique étranger, personne n'eut l'idée de leur contester cette place, car la corbinière avait des chausses de petit velours noir, avec le pourpoint de toile d'argent blanc, le manteau pareil, et la petite oie d'argent. Angélique était bien ajustée, et elle fut ravie, car son habit à la française faisait que les sénateurs avaient toujours l'œil sur elle. L'ambassadeur de France, qui marchait dans la procession avec le doge, la salua. À l'heure du dîner, Angélique ne voulut plus sortir de son hôtel, aimant mieux reposer que d'aller en mer en gondole. Quant à la corbinière, il alla se promener sur la place Saint-Marc, et y rencontra M. de la Morte, qui lui fit des offres de service, et qui, sur ce qu'il lui parla de la difficulté que lui et Angélique avaient à s'épouser, lui dit qu'il serait bon de se rendre à sa garnison de Palmanova, où l'on pourrait en conférer, et où la corbinière pourrait se mettre au service. Là, M. de la Morte présenta les futurs époux à son Excellence le Général, qui ne voulut pas croire qu'un homme, si bien couvert, s'offrit de prendre une pique dans une compagnie. Celle qu'il avait choisie était commandée par M. Ripert de Montélimar. Son Excellence le Général consentit cependant à servir de témoin au mariage, après lequel on fit un petit festin où s'écoulèrent les dernières 20 pistoles dont les conjoints étaient encore chargés. Au bout de 8 jours, le Sénat donna ordre au général d'envoyer la compagnie à Vérone, ce qui mit Angélique de Longueval au désespoir, car elle se plaisait à Palmanova, où les vivres étaient à bon marché. En repassant à Venise, ils achetèrent du ménage, 2 paires de draps pour 2 pistoles, sans compter une couverte, un matelas, 6 plats de faïence et 6 assiettes. En arrivant à Vérone, ils trouvèrent plusieurs officiers français. M. de Brunel, enseigne, les recommanda à M. de Beaupuis, qui les logea sans s'incommoder, les maisons étant à un grand bon marché. Vis-à-vis de la maison, il y avait un couvent de religieuses qui prièrent Angélique de Longueval d'aller les voir, et lui firent tant de caresses qu'elle en était confuse. À cette époque, elle accoucha de son premier enfant, qui fut tenu au baptême par son Excellence Aloysie Georges et par la comtesse Bévilacqua. Son Excellence, après qu'Angélique de Longueval fut relevé de couches, lui envoyait son carrosse assez souvent. À un bal donné plus tard, elle étonna toutes les dames de Vérone en dansant avec le général Aloysie, en costume français. Elle ajoute, tous les Français officiers de la République étaient ravis de voir que ce grand général, craint et redouté partout, me faisait tant d'honneur. Le général, tout en dansant, ne manquait pas de parler à Angélique de Longueval, à part de son mari. Il lui disait, qu'attendez-vous en Italie? La misère avec lui pour le reste de vos jours. Si vous dites qu'il vous aime, vous ne pouvez croire que je ne fasse plus encore. Moi qui vous achèterai les plus belles perles qui seront ici, et d'abord des cottes de brocart, telles qu'il vous plaira. Prenez, mademoiselle, à laisser votre amour pour une personne qui parle pour votre bien et pour vous remettre en bonne grâce de messieurs vos parents. » Cependant, ce général conseillait à la Corbinière de s'engager dans les guerres d'Allemagne, lui disant qu'il trouverait beaucoup d'avantages à Innsbruck, qui n'était qu'à 7 journées de Vérone, et que là, il attraperait une compagnie.